Marseille. Marseille. C'est du chiffre en gros ou en détail. Marseille. Y'a l'équipe hip hop en détail. Marseille. Ils veulent du sang, veulent du sale. Marseille. Un TDM, ça rafale. J'ai toujours mes addicts. Toujours la même vie, toujours la même coupe, toujours mon joint de seum, accompagné jamais seul, je vis la nuit, je vois pas le seum, le game je l'assassine, même si ça se voit que t'as le seum. Je fume mes fesses, je tombe sur le mauvais garçon, j'ai des sous qui tombent, je prends le patron de la SACEM. Je fais des centuries, quand je me nique la boca, je passe à la deuxième, je vois du Jack en coca. Gros coup, gros souffle, un avocat, et même si je suis plein, je serais pas la coca. Son fait de blabla, lui c'est un show, lui il pèse, lui au moins il est discret, ça pète pas, lui il baisse. Mentalité, c'est Guevara, chaud comme la braise, fais gaffe à qui tu parles, c'est pas à qui tu t'adresses. Tes commentaires de merde, je la crois pas que ça me blesse. Tu vois pas, tu mets la tête rigole. Regarde le pays quand il vole. Quand je dis pas que tu picoles. Picoles, picoles. Mais tu t'y prends gros ou en détail. Y'a l'équipe hip hop en détail. Ils veulent du sang, veulent du sale. Un TDM, ça rafale. Je sors toujours avec le 38 spécial. J'aime la boxe, j'aime l'art martial. J'ai tourné avec mes lunettes casal. J'aime faire du bruit au tech avec mon vaisseau spatial. Ils critiquent, moi au moins j'essaye. Et reconnaissent l'accent de Marseille. Ça paname, ça fait de l'oseille. Ça veut le paname pour chercher mademoiselle. Je veux dans le vent un cabriolet. Je vais frapper si je veux picoler. Je suis resté au check comme un poteau. Pendant que les petits partaient voler. Tu m'en veux, mets-toi ça dans le cul. Ça a pris ta maison et ton gros cube. J'ai dit non, ça se fait pas ça. Ils voulaient te couper ton U. Me lève, je fume, moi même pas, je déjeune. N'abuse pas trop sur la fufu, tu vois pas tes jeunes. Je vais être un bon exemple, pas l'idole des jeunes. Je crois bien que c'est la moindre des choses. Tu vois pas, tu m'énerves que je rigole. Regarde le pélican quand il vole. Quand je suis pas bien, je picole. Je picole, je picole. Fais du chiffre en gros ou en détail. Y'a l'équipe hip hop en détail. Ils veulent du sang, veulent du sale. Un TDM, ça rafale. Tu vois pas, tu m'énerves que je rigole. Regarde le pélican quand il vole. Quand je suis pas bien, je picole, je picole, je picole. Fais du chiffre en gros ou en détail. Y'a l'équipe hip hop en détail. Ils veulent du sang, veulent du sale. Un TDM, ça rafale. J'aime faire du bruit au tech avec mon vaisseau spatial. Je sors toujours avec le 38 spécial. J'aime la boxe, j'aime l'art martial. J'ai tourné avec mes lunettes casal. J'aime faire du bruit au tech avec mon vaisseau spatial. C'est Marseille. Ils veulent du sang, veulent du sale. Un TDM, ça rafale.